que dire du printemps? Il arrive, il est là. Que dire du printemps quand il vous tend les bras, qu'il vous offre la fleur de ses jeunes pommiers et qu'on se sent le cœur émerveillé? Que dire du printemps qui ne soit déjà dit? Et pourtant, on n'a pas tout écrit. Que dire en ce moment? La violette a tremblé, les premiers agneaux blancs courent dans la vallée, les ruisseaux sont pareils à mille dieux hindous, quand sous le grand soleil la neige fond partout. Que dire du printemps qui ne soit déjà dit? Que pourtant et pourtant, je t'aime et ça suffit. Que dire ce printemps? C'est comme au premier jour. Ne me dis pas le temps brise tous les amours. Je vais t'aimer si fort et si fort entre mes bras que tu croiras encore qu'on ne se connaît pas. Et dans cet ouragan de vie de joie heureux, tu verras ce printemps en jaune, en vert, en bleu. Tu verras ce printemps comme il est